court à pied et pleurait, mais cette fois c'était de joie. « Ah, madame, commença-t-il d'une voix entrecoupée, je... »« Appelez-moi mademoiselle, interrompit Camille, je ne suis pas mariée, et depuis la mort de mon père, je suis maîtresse de mes actions. C'est vous dire que personne ne me demandera compte de l'emploi que je ferai de mon argent. Maintenant, voici ce que j'attends de vous. D'abord, des renseignements sur ce bandit. Quel est son vrai nom ?»« Je ne l'ai jamais su. Amanda le sait peut-être, et encore je ne crois pas qu'il le lui ait confié. Mais il a pu le dire à des camarades. Il n'a pas de camarades. Il n'est pas du métier, ou du moins il n'en est que par occasion. Il a dû en faire bien d'autres avant de se mettre clown. Comment est-il entré dans la troupe ? Par hasard. Au commencement de l'année dernière, nous avions fait une tournée dans le Midi, du côté de Perpignan. Et notre clown avait filé en Espagne, sans crier gare. Le patron lui cherchait un remplaçant, et il n'en trouvait pas. Même que ça l'embêtait rudement, parce que, voyez-vous, mademoiselle, on a beau avoir de bons artistes, on ne fait pas d'argent sans un bon clown. Voilà qu'un soir, nous campions dans un champ au bord d'un petit bois. Il en sort un grand gars habillé comme un monsieur, redingote noire et pantalon idem, mais tout ça râpé, et que ça faisait pitié. Qu'est-ce qu'il cherchait dans ce bois ? On ne m'ôtera pas de l'idée qu'il attendait un passant pour le dévaliser. N'empêche qu'il se propose. Le patron lui rit au nez, mais le v'là qui se met en bras de chemise, qui fourre ses deux mains dans la ceinture de son pantalon, et qu'il nous fait son fameux saut, tête en avant, sans préparation, comme ça, sur l'herbe. Nous en étions tous bleus. Et je crois que c'est ce premier jour-là qu'il a donné dans l'œil à Amanda. On aurait parié qu'il était né dans la sciure de bois. C'est notre manière de dire dans un cirque. Eh bien, pas du tout, ce n'était qu'un amateur, un fils de bonne famille. Un fils de famille, répéta mademoiselle Monistrol, stupéfaite. Oui, dit Courapier, en hochant la tête. C'est drôle, mais c'est comme ça. Il a touché deux mots de son histoire au patron, mais il l'a arrangé comme il a voulu. Il avait fait des bêtises. Ses parents lui avaient coupé les vivres. Il voulait tâter de la vie en plein air. Un tas de blagues, quoi. Ça n'expliquait pas où il avait appris à sauter sur la tête, et crânement bien, sans compter un tas d'autres tours. Il n'y a pas trois clowns en France qui feraient ce qu'il fait. Il a dû travailler à l'étranger. Enfin, le patron l'a engagé, et il ne s'en est pas repenti, car ce gueux de zigzag lui a fait gagner de l'argent en gros comme lui. Et depuis qu'il fait partie de votre troupe, vous n'avez jamais su qui il était. Personne ne l'a reconnu. Il n'y avait pas de danger. Il ne travaillait jamais devant le public en habit d'arlequin, avec le masque. Mais enfin, vous avez vu sa figure, vous ? Oui, et je ne peux pas dire le contraire. Il a une tête qui plaît aux femmes. Elles disent qu'il a l'air distingué. Moi, je trouve qu'il a l'air d'un crevé, un teint de papier mâché, des yeux couleur de vert, de gris, et mauvais coucheur avec ça. Personne ne pouvait le souffrir. Personne excepté cette coquine d'Amanda. Et encore, elle cachait son jeu. Des fois, elle lui cherchait dispute, et je croyais bonnement qu'elle lui en voulait. Ah oui, c'était des scènes de jalousie, quand il faisait de l'œil aux bourgeoises, qu'il l'applaudissait après ses exercices. Cependant, il ne leur montrait que le bas de son visage. Ça suffisait, il a des dents superbes, et il est bien taillé, le gredin. Grand, mince comme un roseau, souple comme une anguille, et avec ça, fort comme un turc. Une fois, il s'est colloté avec notre Hercule, et il l'a tombé du premier tour de rein. Ce n'est pas étonnant, avec des mains comme les siennes. De vraies tenailles. Quand elles tiennent, elles ne lâchent plus. Pourquoi les cachait-il sur la scène ? C'est le tour qui veut ça. Et puis monsieur craint de les gâter. Si je vous disais qu'à la ville, il porte des gants. Si ça ne fait pas suer. Camille était fixée, et elle jugea inutile de demander des détails plus précis sur la forme et la dimension de la main de Zigzag. Où croyez-vous qu'il soit allé ? En partant d'ici, reprit-elle. Le diable me brûle, si je m'en doute. Pensez-vous qu'il se soit engagé dans une autre troupe ? Lui, pas si bête. Toutes les troupes font les mêmes foires. Nous le rencontrerions à celle de Neuilly ou à celle de Saint-Cloud. Et il n'a pas envie d'être repincé par le patron et par moi. D'ailleurs, Amanda en a assez du métier. Alors, que sont-ils devenus ? Aurait-il passé à l'étranger ? Non, Amanda aime trop Paris. J'ai dans l'idée qu'ils vont tâcher tous les deux de se lancer dans la haute. Elle se fera cocotte et lui se faufilera dans des sociétés d'intrigants bien mis. S'il peut, ça dépendra de l'argent qu'il a. Combien vous a-t-il volé ? 20 000 francs. C'est 20 fois plus qu'il lui en faut pour changer de peau. Et ce ne sera pas long. 3 ou 4 jours, pas davantage. Mais d'ici là... D'ici là, ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit réfugié dans un garni, ou dans une cité. Par là, du côté de Clichy, ou de la route de la Révolte. Amanda connaît les bons endroits. Il n'y a pas mieux pour se cacher. Jusqu'à ce qu'on ait des frusques neuves. Et c'est pas difficile de s'en procurer dans ce quartier-là. Chez le petit père rigolo qui vous habille un homme des pieds à la tête... en moins d'un quart d'heure. Eh bien, nous irons chercher Zigzag là où vous croyez qu'il est. Vous, mademoiselle ? Ah non, par exemple. Vous ne reviendriez pas. C'est tout au plus si j'oserais m'y risquer. Et je n'y emmènerais pas Georget. Tenez, quand on parle du loup, le v'là, mon Georget. » Camille tourna la tête et aperçut l'enfant qu'elle avait déjà vu sur l'estrade, où la méchante Amanda lui cinglait les jambes à coups de baguette. Il était charmant avec ses joues roses, ses cheveux blonds ébouriffés et son costume de paillasse, trop large et trop long pour sa taille. Il avait ouvert de grands yeux en apercevant la belle dame, qui causait avec son père, et il n'osait pas avancer. Camille lui sourit pour l'encourager, et court à pied lui cria « N'aie pas peur, mon garçon, et arrive ici. Qu'est-ce que tu portes là, dans ta musette ?»« Père, c'est pour ton déjeuner, » dit timidement Georget. « J'ai été à la pêche au pain d'épices, et j'ai ramassé tout ce que j'ai trouvé de morceaux derrière les boutiques. Il y en a au moins 2 livres. » « Gamme, hein, » murmura le père en essuyant une larme. « Ah, tu en as, toi, de l'invention. » Il savait que nous crevions de faim, et il est parti, sans rien dire, pour chercher une pitance. C'est pas fameux, le pain d'épices, surtout quand il a traîné dans la poussière, mais ça nourrit tout de même. Pas vrai, Georget ? Camille, touchée de cette noire misère, prit le petit par la main, et se pencha pour l'embrasser. Il se laissa faire, mais il n'osait pas lever les yeux, quoiqu'il ne fût pas timide de son naturel. Il faisait tous les soirs la parade, et même le boniment, avec un aplomb extraordinaire. Seulement, il n'était point accoutumé à être caressé par une dame bien habillée. « Sais-tu lire ? » lui demanda mademoiselle Monistrol. « Oui, madame, et écrire aussi, » répondit l'enfant. « Tu as donc été à l'école ?»« Non, madame, c'est maman qui m'a appris. »« C'est vrai, » appuya Courapier. « Elle en savait plus long que moi, ma pauvre défunte. »« Eh bien, » reprit Camille, « je remplacerai ta maman. »« Tu l'aimais bien, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, et je crois que je vous aimerai aussi. » Georget était déjà rassuré, et il regardait la jeune fille avec une attention profonde. Il la contemplait, il l'admirait. « Ton père veut bien venir avec moi, » dit-elle. « Tu viendras aussi. »« Où donc, madame ?»« Dans un bon logement où vous serez tous les deux bien traités, bien couchés, bien nourris. »« Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça ?»« M'aider à retrouver un homme qui m'a fait du mal, et qui vous en a fait aussi, un homme et une femme. »« Zigzag et... Oh, ça me va !» Il n'avait pas voulu devant son père prononcer le nom d'Amanda. Camille lui en sut gré, et se dit qu'avec son intelligence précoce, cet enfant serait un précieux auxiliaire. « Ça ne sera pas commode, » reprit le gamin. « Ah, s'ils avaient seulement laissé Vigoureux !»« Mais ils ont eu soin de l'emmener. »« Vigoureux ?» interrogea Camille. « Oui, le chien de Zigzag. Il saura bien retrouver son maître. » Georget parlait encore, lorsqu'un énorme dogue, lancé comme un boulet de canon, se jeta dans ses jambes et faillit le renverser. « C'est lui !» s'écria Courapier. « Zigzag ne doit pas être loin. » Camille, pâle d'émotion, chercha des yeux le clown, mais contrairement aux prévisions du mari d'Amanda, le clown ne se montra point. Le chien, sans s'arrêter, se précipita sur la baraque, trouva immédiatement un endroit où la cloison ne touchait pas le sol, gratta la terre avec ses grosses pattes pour élargir le trou, s'y glissa en s'aplatissant et disparut derrière les planches. « Georget ! » cria Courapier. « Vite, une corde et une courroie !» L'enfant ne demanda point à son père ce qu'il voulait faire de ses accessoires. Il avait compris tout de suite. Il courut aux chevaux, qui paissaient tout près de là, tira un couteau de sa poche, coupa la corde qui les attachait au timon de la maringotte, défit un délicat coup et alla immédiatement se poster à genoux près du trou par lequel le chien s'était glissé dans la baraque. Mademoiselle Monistrol assistait, ébahie, à ses préparatifs, et ne devinait pas du tout dans quel but le pitre avait donné à son fils ses ordres bizarres. Elle l'interrogea d'un coup d'œil, et il répondit, en se frottant les mains, « Nous avons de la chance !»« Comment cela ?» balbutia Camille. « Vigoureux nous conduira chez Zigzag. »« Quoi, ce vilain bulldog ?» Il est matiné de braque, et il n'a pas son pareil pour suivre une piste. On l'emmènerait à 10 lieues qu'il retrouverait le chemin de sa niche, et la preuve, c'est qu'il vient probablement de l'autre bout de Paris, et qu'il est arrivé ici tout droit. Bon, mais s'il aime tant son gîte, il n'en voudra plus sortir. Croyez donc pas ça, mademoiselle. Vigoureux fait des commissions. Son maître l'envoyait tous les jours chez le boucher, avec un panier dans la gueule et de l'argent dans le panier. Il laissait prendre l'argent quand le boucher l'avait servi, et il rapportait la viande sans y toucher. C'est cette gueuse d'Amanda qui l'adressait. Eh bien, demanda Camille, qui ne comprenait pas encore. Eh bien, pariant que Zigzag a oublié quelque chose dans la cabine où il s'habillait, quelque chose qu'il tient à ravoir. Et il a lâché son chien en lui disant « Apporte, ça suffit ». Il a une manière à lui de lui frotter le museau par terre et de lui montrer la direction qu'il faut prendre. Vigoureux part comme une balle et il ne se trompe jamais. Qu'il aille où on l'envoie, c'est possible, à la rigueur. Mais qu'il puisse reconnaître l'objet qui manque à son maître, j'en doute. Ah, ce n'est pas ça qui le gêne. Il sent tout ce que Zigzag a touché. Père, dit à demi-voix Georget, je l'entends. Il démolit le plancher là-dedans, avec ses dents et avec ses pattes. Parce que la cachette est dessous. Laissons-le faire. Il va reparaître avec l'objet. Ce sera le moment de l'arc pincé. Ouvre l'œil, petit. » La recommandation était superflue. Collé contre la cloison, comme un terrier qui guette un rat au bord d'un trottoir, l'enfant tenait le licou dans une main, la boucle dans l'autre, tout prêt à museler la bête, au risque de se faire couper les doigts d'un coup de gueule. Mademoiselle Monistrol, de plus en plus étonnée, aurait bien voulu questionner encore, mais Courapier lui fit signe de se taire. L'instant décisif approchait, et il s'agissait de ne pas effaroucher Vigoureux, qui aurait pu rebrousser chemin en entendant du bruit, et sortir par le devant de la baraque. Mais Vigoureux ne croyait pas avoir besoin de ruse. Il avait reconnu Courapier et Georget, et probablement Zigzag lui avait appris à faire peu de cas de ces deux pauvres diables. Il voulut donc sortir par où il était entré. Et bientôt son mufle épaté apparut au bord du trou. Mais il eut plus de peine à passer, parce qu'il tenait entre ses dents une espèce de coffret, ou plutôt une boîte longue et plate. Il la tenait par une poignée d'acier plantée au milieu du couvercle, et il poussait de toutes ses forces pour se faire jour. « Hein, qu'est-ce que je vous disais ?» s'écria Courapier. « Les fait-il, les commissions ?»« Mais pour celle-là, Nisco !»« Attention, Georget, c'est le moment, ne le manque pas, et prends garde de te faire mordre !» Georget manœuvra avec adresse et précision. Il glissa vivement le licou sous le museau du chien, fit faire à la courroie 3 ou 4 tours bien serrés, et boucla solidement l'ardillon. Ce fut fini en un tour de main. Vigoureux aurait bien voulu se servir de ses crocs, mais pour mordre, il eût été obligé de lâcher la boîte, et Vigoureux était fidèle à sa consigne. Quand il se sentit muselé, il essaya de rentrer dans la baraque, mais Georget avait sa corde toute prête. Sans perdre une seconde, il la passa dans l'anneau du collier que le bouledog portait au cou, et il se mit à tirer tant qu'il put. Vigoureux tirait en sens contraire, et il était plus fort que ce gamin de 12 ans. « Tiens bon, mon fieu !» cria le père en se précipitant à son aide. À eux deux, ils parvinrent, non sans peine, à traîner l'énorme animal, qui se leva aussitôt sur ses pattes de derrière, se jeta sur l'enfant et le renversa d'un coup de poitrail. Georget se releva prestement de sa culbute et revint prêter main forte à son père, qui commençait à bourrer de coups de pied le dog si bien dressé par la perfide Amanda. Vigoureux fit bientôt piteuse mine. La muselière improvisée l'avait mis hors d'état de se défendre et l'empêchait de laisser tomber la cassette de son maître. Camille, stupéfaite, se demandait ce que cette boîte pouvait contenir et ce que l'ingénieux Courapier allait faire de son prisonnier. Le pitre vint au-devant des questions qu'elle allait lui adresser. « Maintenant, mademoiselle, dit-il d'un air triomphant, nous tenons notre homme. Ou du moins, nous l'aurons quand nous voudrons. Avec un limier comme cette bête-là, je suis sûr de retrouver Zigzag, et je me mettrai en chasse dès ce soir. Pourquoi pas maintenant? Parce que, en plein jour, les voyous me courraient après, et les sergots voudraient savoir ce qu'il y a dans la boîte. Moi aussi, je voudrais le savoir, murmura Camille. Ça m'étonnerait qu'il y ait de l'argent. » « Quand Zigzag en a, il le fait danser, et il n'a pas laissé là-dedans celui qui l'a volé à votre père. Tenez, chaque fois que Vigoureux se secoue, ça sonne la vieille ferraille, mais ça ne sonne pas les écus. La somme que Zigzag a prise était en billets de banque. Le diable, c'est qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir la boîte, ni même de la prendre. Vigoureux ne peut pas ouvrir la gueule, et si je le démuselais, il nous mangerait tous. Je serais forcé de l'emmener comme il est. Seulement je me demande où je le remiserais jusqu'à la nuit. « Chez moi, dit Camille. » « Comment, mademoiselle, vous voulez que j'entre chez vous, fait comme me voilà ? J'habite seul avec ma vieille nourrice, et à 2 pas d'ici. Vous allez m'accompagner chez moi, vous attacherez ce chien dans la cuisine, vous me laisserez votre fils, et vous irez acheter des vêtements pour vous et pour lui. Quand vous les aurez, vous viendrez me retrouver. Vous changerez de costume tous les deux, vous dînerez avec moi, et demain, vous chercherez un logement convenable. « Ça tient donc toujours ce que vous m'avez offert ? Demanda timidement Courapier. « Plus que jamais. » « Venez, nous n'avons pas de temps à perdre. »« Pourvu que nous ne soyons pas obligés de traîner Vigoureux. »« Tenez, il tire tant qu'il peut du côté du boulevard Voltaire. »« C'est justement là que nous allons. »« Va bien alors, en route, Georget. »« Tu ne gêneras plus, mon garçon. »« Remercie la dame et serre-la bien, car si elle n'était pas venue nous tendre la main, nous n'avions plus qu'à nous jeter à l'eau. »« J'aime mieux me jeter dans le feu pour elle, dit le petit, qui avait les larmes aux yeux. »